3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. La planète des singes est un roman de science-fiction publié en janvier 1963 par l'écrivain français Pierre Boulle. Fils d'un avocat excentrique écrivant pour un journal, Boulle naîtra à Avignon, en France, le 20 février 1912 et développera une grande complicité avec son père, tous deux adorant la littérature, les livres, la chasse et les jeux, le jeune homme passant une enfance tranquille avec ses parents et ses deux sœurs. Après la Deuxième Grande Guerre, Boulle se cherche et, un jour, décide sur un coup de tête de vendre tout ce qu'il possède et s'installe dans un petit hôtel à Paris pour écrire. Après la conception de son premier roman en 1950, il ira habiter chez l'une de ses sœurs, devenue veuve, et écrira alors de 1950 à 1992 presque un livre à chaque année, dont deux romans qui seront avec le temps considérés comme de véritables classiques de la littérature, soit le roman d'aventure « Le pont de la rivière Kwai », écrit en 1952, et un autre roman, cette fois-ci de science-fiction, soit « La planète des singes », ce dernier étant écrit en 1963. L'idée du roman de « La planète des singes » lui viendra en 1962 lors d'une visite au zoo. En observant les gorilles et étant tout simplement impressionné par leurs expressions quasi humaines, le jeune auteur imaginera alors ce que donnerait une relation homme-singe si les grands singes étaient les gardiens du zoo et lui-même l'animal en cage. Il débute donc la rédaction d'un récit sans vraiment savoir son histoire conductrice dont le titre original sera « La planète mystérieuse ». Boulle mettra plus de 6 mois pour écrire son roman, qui sera très vite traduit en plusieurs langues suite à sa sortie. La version anglaise de son livre sera publiée sous le titre de Planet of the Apes aux États-Unis, alors que le titre de Monkey Planet sera utilisé au Royaume-Uni. En 1963, l'agent littéraire de Boulle, Alan Bernheim, présentera le roman au producteur de cinéma américain Arthur P. Jacobs, alors que ce dernier se trouvait à Paris pour rechercher des scénarios à produire pour sa toute nouvelle compagnie de films, Abjack. Cela deviendra le départ de la création d'une des plus grandes franchises de la science-fiction avec plus d'une dizaine de films, une série télévisée, une série d'animation, des comic books publiés par différents éditeurs comme Gold Key Comics, Dark Horse Comics, Boom Studios et Marvel Comics, et finalement, plus de 4 jeux vidéo, soit Planet of the Apes, Revenge of the Apes, Last Frontier et Crisis on the Planet of the Apes. Mais ce seront les deux premiers films de la franchise dont je vous parlerai dans cette première de plusieurs émissions de programme double touchant au monde fascinant de la planète des singes, soit le film de 1968, Planet of the Apes, ainsi que sa suite Beneath the Planet of the Apes en 1970, œuvres qui seront le départ d'un univers cinématographique et télévisuel qui habite Hollywood depuis maintenant plus d'une soixantaine d'années. Donc, préparez-vous à vous écraser sur ce monde étrange dans lequel les singes dominent la race humaine, dont les membres sont devenus de simples animaux de zoo, ou encore qui servent de cobayes vivants aux multiples expériences scientifiques de leurs maîtres primates, dans ce programme double des plus fascinants et dérangeants. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Answer! What do the letters stand for? Are they just another anagram in the alphabet soup of national bureaucracies? What do they mean? To be precise, the letters are government shorthand for the American National Space Administration. But what do they really mean? ANSA stands for the greatest conglomerate of scientific vision and knowledge in the history of mankind. Nothing less than that. We at ANSA have come a long way in 10 years, both figuratively and literally. From a science fiction dream in the fertile imagination of Chairman Dr. Otto Haslein, the program quickly progressed to the first manned spacecraft to orbit the Earth. With the combined brilliance of the finest minds in aerospace science, Dr. Haslein then turned his attention to exploring other worlds, landing men on the moon, and then the red planet, Mars. But ANSA's vision could not be limited by our own solar system. Human exploration of Earth's neighboring planets served as only a prelude to ANSA's further ambitions. Photon propulsion and near-light speed travel have now allowed Dr. Haslein and his team to target distant galaxies and nebulae for their next destinations. The result? Project Liberty, in which a manned spaceflight will be sent to the distant constellation Centaurus, 4 light years away. The purpose of the mission is a selfless one: to increase the knowledge of man for yet to be born generations. This is the Liberty One, a winged chariot that will propel man into the greatest adventure ever conceived. Built to withstand the pressures of near light speed travel, the Liberty represents the technological crown jewel of the ANSA fleet. After a 5-year series of exhaustive tests and prototypes, the ANSA team are confident that it is ready to carve its place in the annals of history. Like a shooting star, the Liberty will slice through space at velocities approaching the speed of light. Dr. Haslein discovered that under this circumstance, time dilates. The astronauts aboard the ship will age only 18 months, while 2,000 years will have elapsed on Earth. ANSA's Life Science Group have created the means for chemically inducing human hibernation aboard the spacecraft. The astronauts will sleep inside hermetically sealed pods in suspended animation during what for them will be a 4-year flight. Of course, this means that these brave space pioneers can never return to the world they knew. They will be leaving everything and everybody behind, never to see them again. After their successful voyage, the world to which they return will undoubtedly be very different. Colonel George Taylor leads the team into space, West Point graduate, class of 41, ace fighter pilot in both World War II and the Korean War. Colonel Taylor became the first candidate of ANSA's elite astronaut corps. When asked why he would leave behind the world he knew to explore the vastness of deep space, he answered simply, "For the promise of a better world." Lieutenant John Landon serves as navigator aboard the Liberty One. Distinguishing himself as navigator on ANSA's Juno Mars mission, Lieutenant Landon automatically became the prime choice for the Liberty project. After searching their souls and weighing the sacrifice, John and his wife proudly chose to add the lieutenant's talents to the mission. His infant son, Mike, will grow to manhood knowing that his father bravely conquered nothing less than time and space. Lieutenant Thomas Dodge serves as head science officer. At the relatively young age of 35, Lieutenant Dodge exhibits the vision of a man with twice his years. He admits yearning to find intelligent life at the crew's ultimate destination, a dream he has often discussed as professor of organic chemistry at Annapolis. Lieutenant Marianne Stewart, 33, is both a career astronaut and a respected biological researcher. A veteran of ANSA's Apollo and Juno space programs, she brings experience, curiosity, and old-fashioned guts to the team. Two first alternates round out the crew, Brent, 34, and Colonel Skipper Donovan, 38. Of course, as we bid farewell to our colleagues, the parting will be bittersweet. We wish them Godspeed and we envy the unimaginable wonders they will encounter. They are embarking on a journey that we cannot share. We can only imagine the wonders they will bring back to relatives as distant as the stars themselves. And now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. Discover Planet of the Apes. Civilization where humans run wild in the jungles. And the superior beings are apes. You in my custody for final disposition. Do you realize what that means? No. Emasculation to begin with. Then experimental surgery on the speech centers, on the brain. Then a kind of living death. Planet of the Apes, ou la planète des singes, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 3 avril 1968. Ce film américain d'une durée de 112 minutes a coûté plus de 5,8 millions de dollars à produire et amassera plus de 33,3 millions de dollars juste sur le continent nord-américain. Au niveau du poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Franklin G. Schaffner, lui qui nous avait donné les films Patton, Papillon, la version 73, et The Boys from Brazil. Au niveau du poste de producteur, ce sera le producteur américain Arthur P. Jacobs, lui qui avait produit les films Dr. Dolittle, la version de 1967, ainsi que Goodbye, Mr. Chips. Et finalement, à la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Michael Wilson, lui qui avait travaillé sur les scénarios de Chi, la version 1969, Five Fingers et The Sandpiper. Et il sera ici accompagné par Rod Serling, ce scénariste américain qui nous avait donné les scénarios de la fabuleuse série télé de 1959 à 1964 de Twilight Zone, ainsi que la série Night Gallery qui sera diffusée de 1970 jusqu'en 1973. Au niveau de la distribution, on y retrouve les acteurs Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Morris Evans, James Whitmore, James Daly et Linda Harrison. Après un long voyage dans l'espace, trois cosmonautes arrivent sur une planète où les humains vivent à l'état sauvage et où la civilisation dominante est composée de singes intelligents. Né dans une famille juive en mars 1922 à Los Angeles, Arthur P. Jacobs fera ses débuts à Hollywood comme coursier pour les studios Metro Goldwyn Mayer en 1943, puis sera promu au poste de publiciste en 1946. Mais ce sera en 1947 qu'il décidera d'ouvrir son propre bureau de relations publiques et fondera en 1956 The Arthur P. Jacobs Corporation, qui lui permettra alors d'avoir comme client des acteurs tels que Gregory Peck, James Stewart, Judy Garland et même Marilyn Monroe. Puis, en 1963, il fondera sa propre compagnie de production de films, Abjack Productions. Se cherchant des idées de propriété à adapter avec sa nouvelle société, Jacobs, maintenant devenu producteur de films, se rendra à Paris où il fera la rencontre de l'agent littéraire de l'écrivain français Pierre Boulle, soit Alan Bernheim, qui lui présentera alors la prémisse d'un roman encore en écriture, soit La planète des singes, dont l'histoire intriguera le jeune producteur qui achètera immédiatement les droits cinématographiques. De retour aux États-Unis, Jacobs signera un accord avec les studios Warner Brothers pour la production de l'adaptation cinématographique avec Blake Edwards attaché à la réalisation. Avant Edwards, cependant, ce fut le réalisateur G. Lee Thompson qui fut approché, ce dernier se devant de se retirer de la production après seulement 2 semaines de travail à cause d'un conflit d'horaire avec une autre réalisation sur laquelle il travaillait et qui était intitulée « Before Winter Comes ». Cependant, l'entente entre le jeune producteur et les exécutifs du studio Warner Bros. Sera annulée en raison du coût trop élevé et de différents problèmes de scénario et de production. Alors budgétisé entre 3 et 3,5 millions de dollars, Jacobs décidera alors de se tourner vers les studios 20th Century Fox qui venaient de distribuer sa toute première production, soit le film à succès « What a Way to Go » en 1964, qui mettait alors en vedette l'actrice Shirley MacLaine. C'était à ce moment que le vice-président de la Fox, Richard D. Zanuck, s'engagera à financer ses 2 prochaines œuvres, soit la comédie fantaisiste Dr. Dolittle et bien sûr Planet of the Apes, qui obtiendra alors un budget de plus de 5,8 millions de dollars. Ce sera donc le réalisateur Blake Edwards qui fera la recommandation à Jacobs d'embaucher le scénariste Rod Serling. Ce dernier étant responsable de l'écriture de l'une des meilleures séries de télévision de science-fiction de l'époque, soit de Twilight Zone. Serling écrira plus de 40 versions différentes du scénario. Cependant, sa vision sera jugée trop coûteuse à filmer due à la société technologique avancée dans laquelle vivaient les singes, l'écrivain Pierre Boulle n'ayant pas écrit le roman original en pensant à l'adaptation au cinéma de celui-ci. Jacobs engagera par la suite le spécialiste des maquillages en latex et de prothèses John Chambers, connu entre autres pour son design des oreilles de Vulcain du personnage de Spock dans la série télévisée de science-fiction des années 1960, Star Trek. Les premiers tests de maquillage et costumes seront très compliqués, à tel point que la production du film sera finalement retardée de plus de 2 ans. Ce sera durant cette période que seront apportés des changements majeurs au poste de réalisateur et de scénariste. Le scénariste Michael Wilson sera engagé pour écrire une version beaucoup moins dispendieuse du scénario de Serling, changeant tous les dialogues et certains noms de personnages de la version initiale. Wilson fut recommandé à Jacobs par le nouveau réalisateur du projet, le metteur en scène Franklin G. Chaffner, ce dernier ayant fortement été imposé par l'acteur principal que Jacobs venait d'embaucher, soit Charlton Heston, Schaffner ayant précédemment dirigé Heston dans le film The Warlord. Malgré toute l'activité scénaristique sur ce projet, les dirigeants de Fox ne croyaient pas que le film pouvait être réalisé de manière convaincante avec des personnages ayant l'apparence de singes. Zanuck demandera alors que soit tournée une scène test du scénario de Serling avec les acteurs Charlton Heston, James Brolin, Linda Harrison et Edward G. Robinson. Cette séquence fut tournée le 8 mars 1966 au coût de 5 000 $. Le maquilleur John Chambers passera plusieurs jours à étudier les singes au zoo de Los Angeles et transformera Brolin, Harrison et Robinson en chimpanzés et en orang-outans humanoïdes. Le test sera alors visionné et convaincra les exécutifs de la Fox de la faisabilité du long-métrage. Au cours des mois qui suivirent, la distribution finale du film prendra forme. Edward G. Robinson dut quitter le projet en raison de problèmes de santé et du long investissement de temps requis par la chaise de maquillage. Ce sera alors l'acteur Morris Evans qui le remplacera. Roddy McDowall et Kim Hunter seront alors choisis pour interpréter les rôles de Cornelius et Zira. Cependant, Hunter n'était pas le premier choix pour le rôle de Zira, cet honneur appartenant à Ingrid Bergman, qui, elle, ne croyait pas au film, cette dernière regrettant par la suite sa décision en voyant la version finale du long-métrage. Bien que Brolin ait été exclu du film, Harrison a finalement été choisi pour incarner Nova, car son petit ami du moment, le chef du studio Richard Zanuck, contactera Arthur Jacobs et le producteur associé Mort Abrams et suggérera fortement que la jeune femme soit choisie, passant alors devant des actrices connues telles que Ursula Andress, Jacqueline Bisset, Eddie Williams, Angelique Pettyjohn et Raquel Welch. Ce sera le directeur de la photographie Leon Shamroy qui fut choisi pour mettre en image le long-métrage de science-fiction, profitant de cette opportunité de prouver qu'il n'était pas seulement un excellent caméraman de séquences intérieures. Il effectuera plusieurs expéditions de repérage avec le réalisateur afin de trouver précisément les lieux de tournage adéquats pour le scénario insolite. Ce sera finalement la magnifique nature sauvage autour du lac Powell sur le fleuve Colorado, dans l'Utah et l'Arizona, qui sera choisi, cet emplacement ayant rarement, voire même jamais, été foulé par l'homme. Durant la production, le transport du matériel de caméra et de sonorisation se fera à pied ou à l'aide de mulets. Le tournage débutera le 21 mai 1967 et se terminera près de 3 mois plus tard, soit le 10 août. Le film sera principalement tourné en Arizona ainsi qu'à Malibu, en Californie. En raison de la chaleur du désert, du maquillage et des costumes lourds, ce sera le seul film de cette série de longs métrages qui sera tourné pendant les mois d'été, une leçon apprise en raison du manque de confort des acteurs durant la production. Seulement 345 000 $ seront consacrés au maquillage. Chambers, bénéficiant d'une équipe de plus de 78 techniciens pendant toute la production du film. Le maquilleur avait la lourde tâche de développer des masques crédibles de chimpanzés, de gorilles et d'orang-outans qui pourraient être portés jusqu'à 14 heures d'affilée par les acteurs et actrices. Le maquillage nécessitait entre 6 à 7 heures de travail pour être appliqué et plus de 3 heures pour être retiré. Évidemment, il était impensable de demander à un comédien de se présenter au travail à 2 heures du matin et de travailler jusqu'à 10 heures le soir durant plus de 5 jours semaine, et ce, pendant plusieurs mois. Il fallut donc que Chambers invente de nouvelles techniques pour accélérer l'application et le retrait des déguisements. Finalement, une petite armée de spécialistes sera formée pour appliquer le maquillage en moins de 4 heures et enlever ce dernier en moins de 2. Tous les acteurs singes devaient rester en costume pendant toute la journée de tournage, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient avoir qu'un régime liquide absorbé au moyen d'une paille pendant le tournage. Fumer était également difficile, obligeant les acteurs et actrices à utiliser des fumes-cigarettes. Alors que le calendrier de tournage s'éternisait pour ces comédiens et comédiennes, ceux-ci commenceront à se rassembler par espèces de singes pendant les pauses, ce qui s'est produit de manière organique à un niveau tribal subconscient. Au départ, l'actrice Kim Hunter méprisait les prothèses faciales de singes, les trouvant claustrophobes. Afin de faire face à cette expérience, elle prenait du Valium chaque matin pendant qu'elle se maquillait. Mais ce sera finalement l'acteur Roddy McDowall qui aidera tous les membres de la distribution portant un masque de singe à faire ressortir des expressions faciales en dessous du maquillage, l'acteur étant l'un des seuls à avoir adoré le make-up, surtout en faisant des grimaces dans un miroir afin d'accentuer ses expressions faciales. Afin de conserver le secret entourant le tournage, aucun acteur n'était autorisé à quitter le plateau pendant qu'il était maquillé. D'ailleurs, aucune photo publicitaire des décors ou des acteurs ne furent distribuées avant la sortie du film. Une fois les séquences tournées dans la région du fleuve Colorado terminées, les acteurs et les membres de l'équipe technique retourneront en Californie où le tournage se poursuivra. La Cité des singes et ses environs furent construits sur le ranch de la 20th Century Fox dans la vallée de San Fernando. Il fallut tout près d'un an de travail pour réaliser la construction de la métropole simienne. Quant à la base de la Statue de la Liberté, pour la séquence finale, cette dernière fut créée sur la plage voisine de Zuma, tandis que le reste de la statue sera superposé à l'aide de matte painting. L'un des éléments de l'histoire qui n'a pas fait partie de la version finale du long-métrage fut la grossesse du personnage de Nova. Bien que de nombreuses scènes impliquant ce scénario eurent été filmées, elles seront finalement coupées de la version finale en raison du sentiment que cela nuirait à la fin du film et les risques de problèmes reliés avec le conseil d'administration de la MPAA, les exécutifs de la 20th Century Fox désirant une cote générale. D'ailleurs, le manque d'expérience de l'actrice Linda Harrison frustra quelque peu l'acteur Charlton Heston au début du tournage, mais ce dernier deviendra rapidement un mentor pour elle sur le reste de la production. De plus, Heston aura une vilaine grippe lors de la production, perdant même la voix à un certain moment. Lorsque cette dernière reviendra, juste avant la scène où son personnage devait s'exprimer devant les singes pour la première fois, elle sera rauque, quelque chose qui n'était pas dans le scénario, mais qui augmentera la qualité et la crédibilité de la scène. À la fin de 1966, le compositeur de musique de film Jerry Goldsmith sera approché par le réalisateur Franklin Schaffner pour composer la musique de Planet of the Apes. Les deux hommes avaient fait connaissance sur le long-métrage de Stripper 3 ans plus tôt. Goldsmith décidera d'écrire le projet dans un style avant-gardiste en utilisant des techniques innovantes telles que mettre des tambours en boucle dans un écoplex, utiliser l'orchestre pour imiter les grognements de singes, faire sonner des cors sans embouchure et demander aux joueurs de bois de toucher leurs touches sans utiliser l'air. Il utilisera également des bois à mélanger en acier afin de créer des sons percussifs uniques. Planet of the Apes obtiendra sa première mondiale le 8 février 1968 au Capitol Theatre de New York avant d'être diffusé en salle le 3 avril de cette même année. Le drame de science-fiction terminera au 6e rang des films ayant amassé le plus d'argent en 1968 du côté nord-américain, derrière Funny Girl, 2001 A Space Odyssey, The Odd Couple, Bullet et finalement Oliver. Le film sera également nominé pour 2 Oscars, soit la meilleure conception des costumes ainsi que la meilleure musique originale, mais ne remportera qu'un Oscar d'honneur pour le travail exceptionnel du maquilleur John Chambers. Le succès du long-métrage donnera naissance à 4 autres films, mais également une série télé qui mettra alors en vedette Roddy McDowall aux côtés des acteurs Ron Harper et James Naughton. Produite par la 20th Century Fox en 1974, seulement 14 épisodes seront diffusés sur le poste de télévision CBS. Par la suite, une nouvelle série, celle-ci en animation, sera produite. Composée de 13 nouveaux épisodes, cette série s'intitulera Return of the Planet of the Apes et sera diffusée sur les ondes de NBC durant la saison 1975-1976. Ce seront les acteurs Philippa Harris et Edwin Mills qui prêteront leur voix aux personnages iconiques de Zira et Cornelius. Plus de 60 entreprises produiront environ 300 produits promotionnels en rapport avec cette première série de films et de séries télévisées. Ces articles comprenaient des figurines, des ensembles de jeux, des kits de construction, des modèles à coller, des livres à colorier, des ensembles de livres et de disques, des cartes à collectionner, des armes jouets, des costumes, de la vaisselle et des boîtes à lunch. Ce niveau de promotion était vraiment inhabituel pour l'époque, 20th Century Fox annonçant des revenus de plus de 100 millions de dollars de toute la vente de ses articles promotionnels. Pierre Boulle décédera le 30 janvier 1994 à Paris, en France, 3 semaines seulement après son 82e anniversaire. Quant au réalisateur Franklin G. Schaffner, celui-ci décédera le 2 juillet 1989 à Santa Monica, en Californie, à l'âge de 69 ans. Schaffner avait été libéré 10 jours précédant son décès d'un hôpital où il était soigné pour un cancer du poumon. Le scénariste Michael Wilson, quant à lui, décédera d'une crise cardiaque en 1978 dans le comté de Los Angeles, en Californie, à l'âge de 63 ans. Finalement, l'auteur Rod Serling, qui fumait environ 3 à 4 paquets de cigarettes par jour, fut victime d'une crise cardiaque et hospitalisé le 3 mai 1975 à l'hôpital communautaire du comté de Tompkins avant d'en être libéré 2 semaines plus tard. Serling subira une seconde crise cardiaque 2 semaines plus tard, ce qui forcera les médecins à convenir qu'une intervention chirurgicale à cœur ouvert, bien que considérée à l'époque comme très risquée, était plus que nécessaire. Malheureusement, Serling aura une nouvelle attaque cardiaque lors de l'opération qui durera plus de 10 heures et décédera 2 jours plus tard au Strong Memorial Hospital de Rochester, à New York, à l'âge de 50 ans. En 2001, Planet of the Apes sera sélectionné pour être sauvegardé dans la fameuse Library of Congress du National Film Registry. Du côté des points forts, ce film, hautement original et imaginatif pour son époque, est extrêmement divertissant malgré son sujet lourd et son contenu mature. Le réalisateur réussit à prendre une histoire qui aurait pu être risible ici et nous la rend crédible grâce à une mise en scène intelligente qui sait garder son auditoire intéressé et surtout en continuelle admiration face au spectacle présenté. Le scénario, qui est une assez bonne réimagination du roman de Pierre Boulle, est original et ne sombre pas trop dans des idéologies philosophiques interminables qui auraient pu détériorer le spectacle. La distribution est ici plus qu'adéquate, surtout les acteurs qui interprètent les personnages simiens, dont les maquillages pour l'époque sont réalisés d'une main de maître, nous faisant croire à ces primates ayant l'apparence se rapprochant plus de l'humain traditionnel que du singe. L'aspect politique de la société simiesque est très bien développé ici. De plus, le film possède une très belle photographie, des effets spéciaux de bonne qualité au niveau du matte painting, des décors de qualité et surtout une musique des plus intrigantes réalisée par le compositeur Jerry Goldsmith qui augmente ici l'ambiance étrange du spectacle. Pour terminer, la scène finale laisse son auditoire bouche bée, une fin digne d'un bon épisode de Twilight Zone. Mais du côté des points faibles, eh bien, Planet of the Apes demeure tout de même une production qui présente une science-fiction facile du style des années 70, bien que quand même plus sérieuse que les autres films de la franchise qui suivront par la suite. Le scénario, cependant, manque de panache par moments, notamment au début du film où les dialogues sont quelque peu ennuyants, mais c'est surtout ces moments de monologue du personnage de Taylor qui ne sont qu'une façon facile de nous dire ce à quoi pense l'astronaute dans certains moments où il ne peut pas échanger avec d'autres personnages, ce qui peut également par moments être des plus ennuyants. Du côté de la trame sonore du film, c'est le compositeur américain Jerry Goldsmith qui nous avait donné Capricorn 1, The Omen, la version 76, Papillon, la version 73, Psycho 2, Poltergeist et Hoosiers, qui s'occupe ici de la composition. Une trame sonore que l'on a pu trouver en vinyle dans les années fin des années 60, début des années 70, puis sera distribuée en CD pour la première fois en 1992 sous l'étiquette de deux compagnies différentes. D'abord, ce sera l'étiquette Project 3 Records qui distribuera un CD de la trame sonore. Puis, vous aurez également l'étiquette Instrada qui sortira un autre CD basé sur la composition de base du film. En 1997, plus précisément le 26 août, ce sera Varese Sarabande qui sortira l'édition complète de la trame sonore du film, un CD d'une durée de 67 minutes. Il faudra attendre le 30 août 2016 pour que l'étiquette Mondo sorte un vinyle de la planète des singes qui sera limité ici à seulement 1000 exemplaires. Thank you. Receptionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. And now, on with the show. Out of life. Go out to a movie. A planet where apes evolved from men? There's got to be an answer. Don't look for it, Taylor. You may not like what you find. Damn you all to hell! The year, 3955. Charlton Heston as Taylor, a 20th century astronaut, space wrecked in the incredible future. Linda Harrison as Nova, a savage beauty from the enslaved and voiceless human race. They're marked for target practice. James Franciscus as astronaut Brent on a reckless mission to rescue Taylor, trapped by the swaggering, brutal master race of apes who dominate the Earth, a planet shattered by the atomic war of a distant, forgotten past. Into the forbidden zone. Someone or something has outwitted the intelligence of the gorillas. Invade! Invade! Face the terrifying dangers of the forbidden zone with them. Engulfing you in the shattering experiences that await beneath the planet of the apes. Well, there's an intelligence working in this place. They know we're here. We are determined to know what the apes want. War or peace? The super intelligent mutants. Are they human or something else? In their church, an unspeakable god. A doomsday bomb. Behind their faces, an unbearable secret. We don't kill our enemies. We get our enemies to kill each other. The irresistible war machine of the guerrilla army versus the devastating secret mind weapons of the subterranean mutants. In civilization's final battle, to answer the ultimate question, can a planet long endure, half human and half ape? Is it the beginning or the end? Ah! The Planet of the Apes, ou Le secret de la planète des singes, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 26 mai 1970. Ce film américain d'une durée de 95 minutes a coûté seulement 2,5 millions de dollars à produire et a amassé plus de 32,8 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Ted Post, lui qui nous avait donné les films Stagecoach, la version 1986, Magnum Force et Hang'em High. On y retrouve le producteur américain Arthur P. Jacobs, lui qui avait produit le film Planet of the Apes en 1968 et Play It Again, Sam. Et finalement, au poste de scénariste, on y retrouve le scénariste britannique Paul Dan, celui qui avait écrit les scénarios de Deadly Affair et Murder on the Orient Express en 1974. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur James Franciscus, Kim Hunter, Morris Evans, Linda Harrison, Paul Richards, Victor Buono, James Gregory, Jeff Corey, Natalie Trundy, David Watson et Charlton Heston. Un astronaute à la recherche des membres d'une précédente expédition se retrouve sur une planète dominée par les singes et s'enfuit dans une zone interdite où se trouvent les restes d'une civilisation humaine disparue, déformée par une catastrophe nucléaire. Alors que Planet of the Apes prenait tout le monde par surprise au niveau du box-office nord-américain, les producteurs Richard D. Zanuck, Arthur P. Jacobs et Mort Abrams se rencontreront afin d'envisager une suite. Deux mois plus tard, le scénariste Rod Serling fut consulté, mais les producteurs voulaient le scénario rapidement. L'auteur, qui était très en demande à l'époque, fournira quelques prémices mettant en vedette les personnages de Taylor et Nova, mais malheureusement, ceux-ci seront rejetés par Jacobs, forçant donc l'écrivain à se retirer du projet. Par la suite, Jacobs se tournera vers l'auteur du roman original Pierre Boulle, qui écrira alors une ébauche intitulée Planet of Man, dans lequel le protagoniste Taylor dirigeait un soulèvement des hommes asservis pour reprendre le contrôle des singes. Le scénario de Boulle sera rejeté, n'étant pas assez cinématographique. Finalement, le producteur associé Mort Abrams écrira des éléments d'une histoire et ce sera l'écrivain britannique Paul Dunne qui sera alors embauché vers l'automne 1968 pour développer ses idées dans un scénario provisoirement appelé Planet of the Apes Revisited. Dans ce nouveau script, le scénariste se servira de la peur d'une guerre nucléaire pour alimenter son histoire. L'un des éléments imaginés par Abrams et Dunne fut un enfant mi-humain, mi-singe. Mais, malgré des tests de maquillage, cette idée sera abandonnée en raison de l'implication de relations entre un humain et un singe, une idée beaucoup trop choquante pour le public de l'époque. Le réalisateur Franklin G. Schaffner sera de nouveau invité à revenir mettre en image le second volet de la franchise, mais il dut refuser en raison de son engagement envers le drame de guerre Patton. Ce sera alors le réalisateur de séries télé Don Medford, qui avait travaillé entre autres sur les séries The Twilight Zone, The Untouchables, The Man from U.N.C.L.E. et The Fugitives, qui sera choisi comme réalisateur. Malheureusement, un événement allait poser problème au projet avant même que celui-ci ne débute. En effet, l'acteur Charlton Heston refusera catégoriquement d'apparaître dans cette suite, l'acteur n'étant pas à l'aise à l'idée de faire des continuités à un film à succès. Pour aggraver les choses, Don Medford quitta rapidement le projet en raison de différences créatives reliées principalement au fait que le budget de production avait été réduit de moitié, 20th Century Fox étant à ce moment sur le bord de la faillite. Ce sera donc le réalisateur Ted Post qui le remplacera à condition que Heston soit présent. Ce sera donc le président de la 20th Century Fox de l'époque, Richard Zanuck, qui convoquera Heston dans son bureau et les deux hommes feront des compromis, Heston acceptant de revenir pour le second film à condition que son personnage soit tué dès les premières minutes, dès la première scène. Il fut donc entendu qu'il obtiendrait la modique somme de 50 000 $ pour sa participation, montant qu'il remettra alors à une œuvre de charité. Paul Dunne dut alors retourner sur sa planche de travail et devra repenser son histoire pour s'adapter à cette nouvelle situation. Dans sa nouvelle version, il introduira un nouvel astronaute, Brent, qui atterrit sur la planète après avoir suivi la trajectoire de Taylor. Ce dernier apparaîtra brièvement au début du film, puis disparaîtra et réapparaîtra seulement à la fin pour le point culminant de l'histoire où Taylor devait perdre la vie. Jacobs et Abraham commenceront alors à travailler sur la distribution de leur nouveau long-métrage. Avec la présence de Heston, Linda Harrison, Kim Hunter et Morris Evans reprendront leurs rôles respectifs de Nova, Zira et du Dr. Zaius. Malheureusement, l'acteur Roddy McDowall aura l'opportunité de faire ses débuts en tant que réalisateur sur le film britannique Tamlin et ne pourra pas revenir pour le tournage, étant alors remplacé pour le rôle de Cornelius par l'acteur anglais David Watson. Ce sera d'ailleurs le seul long-métrage de la première série de films dans lequel n'apparaîtra pas McDowall. S'ajoutera à la distribution James Gregory dans le rôle du général Ursus, ainsi que James Franciscus dans le rôle de Brent, l'acteur ayant été choisi suite au refus de l'acteur Burt Reynolds pour le rôle. Victor Buono, Gregory Sierra et Thomas Gomez s'ajouteront à la distribution, comme une certaine Natalie Trundy, épouse du producteur Arthur P. Jacobs, cette dernière étant présente par la suite jusqu'au dernier film de la saga, soit Battle for the Planet of the Apes. Ted Post sera vraiment mécontent du scénario, mais ce dernier était incapable d'améliorer celui-ci, le producteur exécutif Mort Abrahams s'objectant à tout changement. Il tentera tout de même d'impliquer le scénariste du premier film, Michael Wilson, pour faire une réécriture du script, mais le budget restreint de la production ne le lui permettra pas. Ce sera finalement l'acteur James Franciscus, un de ses amis écrivains John Ryan, et le réalisateur lui-même qui passeront tout un week-end à restructurer le personnage de Brent, réécrivant plus d'une soixantaine de pages de scénario. Abraham sera furieux de ces changements, mais après une longue conversation avec son réalisateur, le producteur apportera la soixantaine de pages au scénariste Paul Dehn, et presque la totalité des changements seront alors inclus dans la version finale du script, qui fut achevée le 10 avril 1969, après que ce dernier eut été revisé une dernière fois par le producteur et scénariste Ark Oboler, une participation qui ne fut nullement créditée au générique. Avec un budget réduit de moitié, un scénario que tout le monde détestait, un président de studio, Richard Zanuck, sur le point d'être licencié, et une réapparition réticente des acteurs et actrices Kim Hunter, Charlton Heston et Linda Harrison, la production débutera en février 1969 sous le nouveau titre de Beneath the Planet of the Apes. Plus de 26 maquilleurs débuteront leur travail sur la fabrication des masques de singes et ceux des mutants dans les laboratoires de la 20th Century Fox sous la direction de Dan Stripik, le chef du département, et de John Chambers, le maquilleur en chef. Le tournage, lui, débutera le 14 avril. À cause du budget restreint, il fut décidé qu'en raison du grand nombre de singes affichés à l'écran, des masques plus rudimentaires et de moindre qualité seraient utilisés pour tous les acteurs sur le plateau, sauf pour les personnages principaux de singes et de mutants qui, eux, devaient être tournés en gros plan. De plus, de magnifiques scènes sous-marines durent être abandonnées parce qu'elles auraient coûté beaucoup trop cher. Ted Post ne pouvait même pas tourner de matériel supplémentaire car le besoin de respecter le budget était extrêmement important. Comme son prédécesseur, Beneath the Planet of the Apes sera tourné principalement au Studio Fox lui-même et au Ranch Fox à Malibu. Le parc d'État de Red Rock Canyon, en Californie, sera quant à lui utilisé pour tourner les séquences de la zone interdite. Charlton Heston ne prendra que 8 jours en avril pour tourner toutes ses séquences, alors que Linda Harrison, quant à elle, avait hâte de terminer le tournage de ses séquences car cette dernière devait participer au tournage de la télésérie Bracken's World qui sera diffusée dès septembre 1969. De plus, cette dernière désirait fortement fonder une famille avec Richard Zanuck qu'elle épousera en octobre de cette même année. Lorsque le tournage débutera, l'équipe des effets spéciaux augmentera à plus de 90 techniciens travaillant presque tous les jours sous haute pression. En fonction du nombre de figurants impliqués, le nombre de maquilleurs augmentera même jusqu'à 100. Afin de répondre à ce besoin, Chambers et Stripik ont institué une série de cours pour les apprentis maquilleurs au studio de la Fox. De nouveau, dans l'optique de sauver le plus d'argent possible, les décors de la ville des singes, qui étaient toujours debout sur le site du Fox Ranch, furent nettoyés et réutilisés pour le film. Les décors intérieurs de la salle du Conseil des singes, de la clinique vétérinaire et de divers domiciles de singes furent également récupérés et réassemblés pour être utilisés. Le directeur artistique William Traber dut également user d'ingéniosité pour créer la ville de New York, devenue le repère des mutants. Il utilisera de véritables photographies des lieux, les découpera avec des lames de rasoir et les collera avec l'aide du département des effets spéciaux sur l'image. Pour l'église des mutants, cette dernière fut un décor difficile à réaliser, Kreber recevant beaucoup d'aide de la part de nombreuses personnes. Des décors appartenant au film Hello, Dolly seront également réorganisés et utilisés pour le film, toujours dans l'optique de sauver le plus d'argent possible. La majorité de ces décors seront de nouveau utilisés pour le quatrième film de la saga, soit Conquest of the Planet of the Apes, comme couloir entre les sections du complexe de gestion des singes. La majorité des séquences grandioses seront réalisées grâce à la technique du matte painting, une technique dans laquelle une peinture est réalisée et est filmée sur une bobine de film sur laquelle une zone noire sera laissée lors du tournage original, là où la scène de décor doit apparaître. Pour la séquence de division de la Terre dans la zone interdite, une miniature astucieuse fut utilisée avec un écran de rétroprojection. Toutes ces astuces permettront tout de même au réalisateur Ted Post de donner un monde cinématographique assez intéressant pour l'époque. Au total, seulement 15 acteurs, techniciens et membres de la production ayant participé au tournage du film original de 1968 seront de retour pour le tournage de cette suite. Le compositeur musical du premier film de la franchise, Jerry Goldsmith, fut invité à écrire la musique de cette suite, mais, malheureusement, ce dernier avait déjà signé avec le réalisateur Franklin Schaffner pour réaliser la musique du drame de guerre Patton. Ce sera finalement le compositeur Leonard Rosenman qui sera embauché pour composer la partition. Rosenman cherchera à mélanger la partition originale de Goldsmith du premier film avec son propre style. Une fois la musique terminée, Rosenman sera invité à réarranger sa partition pour un orchestre plus petit en ajoutant des éléments contemporains tels que la guitare électrique et les percussions rock pour la création de l'album du film qui sera alors distribué sur le marché en juin 1970. La bande originale mettra en vedette certains des plus grands musiciens de studio de Los Angeles de l'époque, dont la bassiste Carole Kay et le pionnier du Moog, Paul Beaver. Pour la séquence se déroulant dans les ruines de la cathédrale Saint-Patrick, dans laquelle on entend les télépathes chanter un hymne dystopique à la gloire de la bombe atomique, Rosenman composera une mise en musique discordante de l'hymne chrétien de Cecil Frances Alexander de 1848, All Things Bright and Beautiful, avec des paroles modifiées rendant hommage à la bombe nucléaire. La première mondiale de Beneath the Planet of the Apes eut lieu le 26 mai 1970 au Lowe's Beverly Theater de Beverly Hills, en Californie. Les bénéfices de l'événement de collecte de fonds furent remis à l'hôpital et au centre de recherche de City of Hope, en Californie. Le film sera distribué à Los Angeles le 26 mai 1970 et à New York deux jours plus tard. Beneath the Planet of the Apes sera un succès surprise, forçant ainsi la commande d'une nouvelle suite. Le drame de science-fiction amassera plus de 250 000 $ lors de sa semaine d'ouverture dans seulement 4 salles, terminant 9e au box-office américain. Il atteindra le spot numéro 1 au cours de sa 6e semaine de sortie avec un montant brut de 863 500 $. Au final, le film amassera plus de 19 millions de $ au box-office nord-américain, se devant d'atteindre un montant de plus de 8,1 milliards de $ en salle pour atteindre le seuil de rentabilité. Un ajout de plus de 13,8 millions de $ au niveau des recettes se fera au niveau international. Une réédition du film, en programme double avec le film Planet of the Apes, sera redistribuée en mars 1971, deux mois avant la sortie du troisième volet de la franchise, soit Escape from the Planet of the Apes. Gold Key Comics produira une adaptation de Beneath the Planet of the Apes en 1970. Il s'agira ici de la toute première publication de bande dessinée de la franchise. Suivra par la suite une novélisation du long-métrage qui sera écrite par l'auteur Michael Avallone et qui conservera la première version de la finale apocalyptique entre Taylor Zaius et Ursus. En 2015, IDW Publishing produira une mini-série de comics intitulée Planet of the Apes, The Primate Directive, dans laquelle l'équipage du USS Enterprise de la série originale de l'univers de Star Trek suivra un vaisseau Klingon dans l'univers de Beneath the Planet of the Apes. Ce sera l'apparition des deux équipages de l'Enterprise et du vaisseau Klingon qui permettra au Dr. Milo, Cornelius et Zira de retrouver le vaisseau de Taylor qui leur permettra alors de voyager dans le temps et de retourner sur Terre avant que les singes n'en deviennent les dirigeants. L'acteur Morris Evans décédera le 12 mars 1989 à l'âge de 87 ans à Rottingdean East Sussex en Angleterre d'une insuffisance cardiaque due à une infection bronchique. Quant à l'acteur James Franciscus, celui-ci décédera d'une bronchopneumopathie chronique obstructive le 8 juillet 1991 à Hollywood en Californie. Il n'était âgé que de 57 ans. Pour l'acteur Charlton Heston, celui-ci décédera le matin du 5 avril 2008 à sa résidence de Beverly Hills en Californie de conséquences causées par la maladie d'Alzheimer et d'une pneumonie. Il était âgé de 84 ans. Quant au producteur exécutif et scénariste Mort Abrahams, ce dernier décédera de mort naturelle le 28 mai 2009 à l'âge de 93 ans à Sherman Oaks en Californie. Abrahams ne travaillera finalement que sur les deux premiers volets de la franchise de Planet of the Apes. Finalement, le réalisateur Ted Post, lui, mourra de cause naturelle au UCLA Medical Center à Santa Monica, en Californie, le 20 août 2013, à l'âge de 95 ans. En 2018, le roman Death of the Planet of the Apes, qui fut écrit par l'écrivain Andrew E.C. Gasca, développera une grande partie des événements hors caméra du film de 1970, faisant la description de la première rencontre entre Taylor et la communauté mutante. Ce livre sera distribué par la maison d'édition Titan Book en novembre 2018. Du côté des points forts, eh bien, ce qui sauve le spectacle ici est sans aucun doute les prestations des acteurs Morris Evans et Kim Hunter. Du côté de James Franciscus, le comédien s'en sort quand même assez bien, ne possédant pas entre ses mains un scénario d'aussi bonne qualité que le premier volet et surtout ne possédant pas le charisme de l'acteur Charlton Heston. L'ambiance est beaucoup plus psychédélique ici que dans le précédent volet et certains décors sont véritablement impressionnants, notamment ceux du subway de la ville de New York. La dernière demi-heure demeure assez intéressante, donnant ici plus d'action que dans le film original et possédant tout de même certaines idées fortes originales. Mais du côté des points faibles, cette suite à Planet of the Apes manque nettement d'imagination, de rythme et surtout de finesse. La réalisation est mécanique et sans vie, tout comme le jeu de certains comédiens qui est tout simplement monotone. Les maquillages sont de moins bonne qualité, les situations sont beaucoup plus banales et le traitement est moins convaincant, le tout sombrant dans de la science-fiction facile, faisant perdre ici la crédibilité au sujet que le premier film avait réussi à atteindre. Les dialogues sont quelque peu absurdes, comme les séquences de monologues interminables et ennuyantes du personnage de Brent afin de décrire l'action que nous voyons de toute façon à l'écran. La musique est ici beaucoup trop présente et over the top, enlevant l'aspect intriguant du film original. Finalement, la fin abrupte du film laisse l'auditoire bouche bée qui n'a d'autre choix que de se rendre compte qu'il vient d'assister ici à la projection d'un produit nettement de qualité inférieure au précédent spectacle offert en 1968. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain Leonard Rosemann qui s'est occupé ici de composer la musique de ce film. Lui qui avait travaillé sur les films de Car, The Lord of the Rings, la version 78, Robocop 2 et Star Trek 4 de Voyage Home. Beneath of the Planet of the Apes a vu sa trame sonore sortir, bien sûr, en 1970, sous la forme de vinyle et de cassette 4 pistes, mais si vous vouliez l'avoir en CD, il fallait attendre en 2000 où, à ce moment-là, nous aurons droit à la trame sonore du film complète, trame sonore qui sortira sous l'étiquette Film Score Monthly. De plus, en 2011, nous aurons également une nouvelle trame sonore de Bunny the Planet of the Apes qui, lui, sortira sous l'étiquette Fox Music. Il vous est possible également de mettre la main sur une compilation de la saga de la planète des singes. Cette compilation qui a été sortie à seulement 5000 exemplaires sous l'étiquette de La La Land Records sera distribuée le 16 juillet 2019 sous le nom de Planet of the Apes Original Film Series Soundtrack Collection. Côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm cote le film 3. Moi, j'y vais avec une cote 2. Je pense que Planet of the Apes est un film qui a très bien vieilli avec le temps. Il faut bien sûr se remettre en 1968 pour comprendre à quel point la qualité des décors et surtout des maquillages était vraiment poussée pour cette époque.